Radiomatique. both channels, but his outer phase amorcer la transmission 529 d'Audiomatic. Les sonoristes ont choisi de vous présenter la formation franco-britannique Stereolab de son deuxième album studio intitulé Transient Random Noise Burst with Announcements qui a été lancé en 1993. Nous écoutions la pièce Jenny Angioline. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste américaine Kim Deal d'assurer la continuité à Audiomatic. side of both sides of your words. You are bad, you are grace, and you get love, a good face. You're strange and deranged by the nature of your birth. You are graced and disgraced, for you never belong to any place. You are right, you are wrong, you sat on both sides of your world. You are bad, you are great, you get love, a good face. You're strange and deranged by the nature of your world. You are grace and disgrace, for you never belong to any place. This heat is going on, it's big, it's going on. Thank you. Nous avions droit à Audiomatic au groupe gallois Slowly Rolling Camera de son quatrième album studio intitulé Where the Streets Lead. Nous vous avons offert la composition Feels Like Fiction. Précédemment à Slowly Rolling Camera, il s'agissait de la formation anglaise Melt Yourself Down et la chanson Ghosts on the Run, extraite de son quatrième et plus récent album sorti en 2022, Pray for Me, I Don't Fit In. Et pour débuter cette séquence musicale, nous avions droit à l'artiste américaine Kim Deal, qui a été bien sûr la bassiste du groupe Pixies et qui est derrière la formation The Breeders. De son premier album solo intitulé Nobody Loves You More, paru le 22 novembre 2024, nous avons entendu la chanson Big Ben Beat. En conclusion de cette transmission 529 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre le duo américain Zombie. De son deuxième album intitulé Surface to Air et lancé en 2006, nous écouterons la pièce Night Rhythms. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomaticcfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Zombie et la pièce Night Rhythms. C'était Audiomatic avec les sonoristes.